Zef Man, FILI2S. 3 minutes pour te montrer de quoi on est capable. Impact lyrical. Écoute, c'est à toi que je m'adresse. MC Philly Zef Man, ouais, tu connais l'adresse. MC Philly, FILI2S. Comme la syphilis, je te teste. Je déteste les rageux qui osent se taire, qui se taire dans des milliers austères. Ils rêvent de se voir sur poster, mais se prosternent devant leur prosterne. Ils se prostituent devant leur prodestue à faire vivre leur propre statut. Quels statuts succombent au rythme qu'on t'accombe, aux rimes dans les catacombes, se retournent dans leur tombe. On arrive avec de bons textes dans n'importe quel contexte, pourvu qu'on teste. Tu contestes, on te teste. Tu complexes, on te teste. Peu importe ta thèse, le 35 te teste. Né dans un monde austère, c'est pour ça que je vais tout faire pour plaire, chacun sa manière. Moi j'ai choisi le dictionnaire, je rêve d'avoir des thunes, à plus savoir quoi en faire. J'espère que mon lexique sera porté au-delà de la misère. Déçu par le rap français trop médiatisé, ils dénoncent plus les mêmes peines mais se font de la maille sans problème. Les nouveaux sons à la mode, non plus les mêmes prods, non plus les mêmes codes. Tout ce qui compte c'est chiffre d'affaires. Ils mettent leurs zik aux enchères, cherchant toujours à se refaire. Mes classiques restent lunatiques, j'espère suivre leurs traces, atteindre le top, remplir le palais des sports. Et j'espère que tel en sera mon essor. Ok, je viens remettre une couche, le rap français accouche, de deux MC qui touchent. Philly Zef Man, vas-y ferme ta bouche, tu vas prendre du ferme ton bouge. MC Philly Zef Man, bientôt dans les bacs, on fait un impact méchant, lyricalement présent. Le rap on est en plein dedans, on prend notre élan pour arriver au bout du challenge. Rap, c'est une prod, des codes, des rimes peu banales. Et tu mets tout ça sur instrumental. Mes idées et mes rimes s'entrechoquent. J'ai du mal, j'bloque, j'traîne en bas des blocs. C'est une rime, sortez les blocs, notes. L'inspire monte au rythme de mes notes. Notes, McPhillis, Zef Man, jeune, motivé en compte. Percé par le rap français. On m'a administré de l'adrénaline intoxiquée. Faut m'exorciser, j'suis possédé par la musique. Rapé, réceptif au coup de tête. Donc si tu kiffes, hoche la tête, on aime le son qui pète. L'inspire se trouve sous ma casquette. Ce jeu des préjugés, sortez les mains. J'ai pas de menottes, j'suis libre de penser. Trop de MC comme toi m'ont abaissé, apprends ton ABC. Tu sais maintenant que tu rappes comme un cul. De ton flow de base y'en a assez, on dirait du rock à la ACDC. Dans le rap t'as fait ACDC. Ce n'est pas avec tes clips et tes CD que le rap va céder, que notre flow va décéder. Philly Zef Man, bientôt dans les bacs. Tu vas entendre parler de nous avant que tu as le track.